Pour un transport en toute sécurité, les autobus du groupe Véro sont les gens à contacter. Nous offrons des transports de 48 à 56 passagers en plus du transport scolaire. Chez le groupe Véro, notre confort est notre priorité. Téléphonez-nous au 418-679-1573. Le personnel et la direction du groupe Véro souhaitent une belle saison aux Sabres de Roberval. On va parler des Sabres de Roberval avec notre ami Jason Lajeunesse, qui est, on rappelle que cette chronique est une commandite des autobus Véro de Saint-Félicien. Salut Jason! Salut Danny! Jason, si on parlait d'abord en fin de semaine contre les Épaviers de Normandin, défaite de 7-5. Oui, 7-5. C'est sûr qu'il me manquait plusieurs bons joueurs. Là. Il me manquait quasiment ma première ligne et demie là, lors de ce match-là. On a joué à 7 attaquants là, tout le long du match. Okay. On s'est très bien débrouillé. On menait 3-1 après une. Après ça, en deuxième période, là, ils ont repris l'avance. Là. Normandin a sorti fort, ont repris l'avance. Mais en troisième période, là, on est redevenu de l'arrière, on perdait 5-3, on a remis ça 5-5. Jusqu'à 2 minutes de la fin, là, un petit but chanceux de la part normandin pour leur donner la victoire. Là. Mais okay. dans l'ensemble, mes joueurs se sont bien très bien. Sept joueurs, c'est quand même. C'est les réalités du junior, hein? Mais junior, vous avez pas de joueurs. Oui, mais les juniors jouaient en même temps. Le Matabetchouan jouait contre Saint-Félicien samedi soir en même temps que nous autres. Là. Fait que c'est sûr qu'on n'avait pas de joueurs affiliés. Le midget 2B de Saint-Félicien était à Sept-Îles. Ouais. Donc, c'était difficile là, en fin de semaine pour avoir des joueurs affiliés. Mais c'est la réalité. Puis il faut se débrouiller avec ça. Okay. Puis on a des blessés. Ça aide pas non plus. Ben non, c'est sûr. Puis là, en fin de semaine, ça va-tu être mieux? Ça devrait être quelques joueurs qui reviennent, donc on va espérer qu'ils soient à 100% là, en fin de semaine. OK. Est-ce que en fin de semaine, il y a un showcase, je pense, hein? Si je me trompe pas. C'est la semaine prochaine. Okay. Donc ça ressemble à quoi c'est en fin de semaine? En fin de semaine, on reçoit les Saguenay-Chicoutimi samedi soir et on visite les Marquis-Jonquière dimanche soir. OK. Évidemment, les Marquis, il y a toujours une belle rivalité. Hein. C'est l'équipe de la Ligue là, avec les épreuves de Normandie pas mal. Ouais, cette année, c'est vraiment là, les Marquis puis les Sagues qui dominent là, vraiment au classement général. C'est une grosse semaine. Oui, c'est une grosse fin de semaine qui nous attend. OK. Ben, Jason, on s'en reparle bientôt. Oui, pas de problème. Voilà, Jason Lajeunesse, l'instructeur des Sabres de Robert.